Maintenant, c'est Boris. Yes. Premier best-of, 20h. Deuxième, vers 20h30. Ouais. Et puis, entre-temps, on aura aussi des petites parodies. Oui. Boris, qui doit être de bon poil, puisque le LOSC a gagné 2-0 hier. Ah oui, il était chaud, hein, aujourd'hui. Il était très chaud. On aura d'ailleurs demain une nouvelle fois en interview, à partir de 21h jusqu'à 23h. Ah, joli cadeau. Donc, ça nous promet pas mal de bonnes surprises. Allez, exact. Tout de suite, le premier best-of de Boris. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bonhomme qui s'approche au loin. Quand on regarde bien, on voit une ombre avec une petite casquette mauve, un petit pantalon rouge et un petit sac en bandoulière. On dirait que c'est Boris qui revient au pays. Boris revient. À mon avis, c'est pour l'anniversaire de Galaxy. C'est un beau cadeau. Ton retour est un joli cadeau, Boris. Ta présence va nous émerveiller. Pour les 25 ans de Galaxy, Boris revient. Assis debout, Boris reste là. Il bouge pas. Il respire à peine. Boris observe le ciel comme une sentinelle. Boris y vit dans un monde de rêves. Il se laisse envahir. Boris se laisse envahir par un chant mystérieux. Boris lui regarde l'avenir en fermant les yeux. Il parle sans un mot. Il sait où se trouve le feu, l'eau, nécessaire à la vie. Boris, il vit sans arrêt dans un monde de rêves. C'est ses rêves. Alors il regarde la colline. Et il fait un feu. Une fois par mois. Il y a des braises sacrées qui couvrent sous les rochers. Boris se lève dans la lumière, alors il mouille la terre. Il met de l'argile sur son visage, en total déséquilibre. Et il dessine les nuages. Boris, il vit dans un monde de rêves près de la colline. Attention Boris, la colline elle a des yeux. Mais Boris il s'en fout. Boris il est assis debout, il reste là. Il bouge pas. Il respire à peine. Et observe le ciel. Quand le rêve est la réalité, quand le présent est le passé, quand le connu et l'inconnu sont à nouveau confondus, alors Boris y s'assoit. Et il attend un autre rêve qui doit arriver. Comme un deuxième train qui arrive après le premier. Quand on a raté le premier, on prend le second, hein ? Boris s'en fout, il vit dans un monde de rêves. Ce qui va suivre est facile à comprendre. Boris dit toujours « je vois, j'entends, je goûte, je tâte, etc. etc. » Boris y dit « mes yeux voient, mes oreilles entendent ». Et bien en réalité, ce sont les structures de son cerveau qui entendent. Ce sont également les structures de son cerveau qui voient. Les yeux de Boris ne font que transmettre des impulsions électriques codées. À l'extérieur des yeux, il n'y a aucune lumière chez Boris, mais uniquement des ondes. Ce sont également les structures du cerveau de Boris qui entendent. Les oreilles, par exemple de Boris, ne font que transmettre des vibrations silencieuses. Exemple. Sans un récepteur de radio, les ondes resteraient ce qu'elles sont. De simples ondes n'ayant évidemment rien de musical, mais n'étant que des ondes vibrant à une fréquence donnée. Ça, Boris ne le sait pas. Ça arrive souvent. Quand ça arrive, Boris, il en veut à sa radio, il frappe dessus. Il la met à fond, il n'entend plus rien, il n'entend plus le son. Boris y comprend pas. Il y aurait pour Boris aucun son qui n'existe. C'est pas possible. Il y a son cerveau qui décode mal. Il décode les messages abstraits qui lui parviennent. Boris, le son avant tout, c'est une onde. On dit que le son, il se prend. les ondes et rien d'autre. Entre des sources de vibrations et notre cerveau, Boris, c'est le silence. Il n'y a que des ondes silencieuses qui se propagent grâce aux molécules de l'air, qui sont tout aussi silencieuses. Le nerf transmet au cerveau de Boris le message codé des ondes, qui est analysé par le cerveau de façon encore inconnue. C'est le cerveau de Boris qui entend. L'univers qui nous entoure est un univers d'ondes et de silence. Alexis, merci d'être arrivé scotché, agrippé à ta radio pour cette semaine spéciale anniversaire. Guillaume a pris congé et il est parti chercher des vinyles. Il revient tout à l'heure. Quant à nous, on continue dans cette semaine spéciale anniversaire 25 ans de Galaxy avec tout au long de la semaine depuis lundi un maximum d'invités, plein d'anciens de la radio. Ça monte en puissance jusque samedi soir, puisque samedi soir, tu le sais, il y a une émission spéciale. On fera le tour d'horizon de l'historique de la radio. Ce sera 100% rétro, souvenir musical et du souvenir, je t'en balance maintenant du cadeau. Il y en aura tout à l'heure avec de la rétro trance tout de suite, les Two Flying Stones, et on continue en rétro et en musique. House and Techno Radio. Galaxy Souvenir à l'instant, semaine spéciale anniversaire avec en face de moi Olivier Curtis et Hubert. Vous allez bien les mecs? Hubert qui ne lâche pas l'affaire ce soir. C'est vrai, tu lâches pas l'affaire. Bon, Olivier... bah on va meubler un petit peu parce qu'il paraît qu'il faut meubler. Un petit peu? Non, je plaisante. Si, un petit morceau, le c'est temps d'un morceau. Ouais, le temps j'en cale un autre juste derrière. Tu nous parles du site? Le site, donc c'est www.live.galaxyfm.com pour ceux qui veulent écouter la radio. Donc c'est du peer-to-peer. Donc il y a un ou deux logiciels à télécharger, me semble-t-il. Olivier, de moi, parce que je suis complètement paumé, j'ai pas encore réussi à l'ouvrir ce site. bien, je sais, bon. Voilà, en tout cas, je disais que c'était bien sympa, la petite soirée ici. On a bien donné, du monde, on a donné à notre directeur qui nous disait que finalement, il n'avait jamais vu autant de monde. Moi, je lui ai dit, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu viens, tu fais ça chaque semaine, on va y venir. Pas de problème. Ouais, ouais, c'est sympa, hein, mais il faudra agrandir un petit peu les murs de la radio parce que là, on est un petit peu à l'étroit. Ça devient un peu à l'étroit. Bon. Enforme les mecs. Non, mais t'inquiète pas, on peut continuer comme ça autant de temps que tu veux. Là, j'ai calé un petit Boris pour vous. Un petit souvenir, Boris, Philippe Dante. Lequel? Écoute, je sais pas, on va découvrir ensemble. Je préfère soirée disco, donc. Écoute, c'est pas soirée disco, c'est pas un morceau, c'est une petite bande d'archives. Un petit truc mémoire. Si tu nous écoutes, tu sais pas ce que tu rates ce soir. Il y a du people partout, dans toutes les pièces. Il y a à boire, il y a à bouffer, c'est sympa. Et franchement, c'est dommage que tu ne sois pas parmi nous ce soir. Ouais, mais à travers ses archives, il est là. Une petite partie de Philippe, l'historique de la radio. Il est là à travers sa voix, mais il est pas là physiquement quand même. C'est vrai. C'est vrai. Mais au téléphone, samedi, au téléphone. Ah, on l'a vu au téléphone. Je suis arrivé pile poil pour le choper au téléphone et pouvoir dialoguer avec lui à l'antenne hier soir. Nickel. Bon, Hubert, Olivier, on continue. Une petite archive. Juste après, on enchaîne avec de la rétro et on reprendra à l'antenne pour faire gagner un petit cadeau, un petit kit Willy. Bon, okay. Ça marche, y'a pas de problème. Et le Père Noël, tiens, on va l'interviewer tout à l'heure. Et le Père Noël. Et en plus, le Père Noël aura beaucoup de boulot tout à l'heure, enfin, d'ici trois semaines avec le Noël. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se faire. Un petit plan foireux pour lui ou ouais, un petit plan foireux, je sais pas, mais il y a pas mal de choses qui vont se faire à Galaxy, au réveillon et à Noël. Comme d'habitude. Bon, ça roule. On continue avec Olivier Curtis. Avec Olivier Curtis. Ouais, Olivier Curtis, ouais, avec Philippe Dante à côté. Je sais pas encore ce que je vais vous interpréter comme chanson, mais réfléchis parce que samedi. Parler, je veux bien, mais le laisser chanter, je sais pas si c'est conseillé. Hein. Bon, t'as intérêt à réfléchir parce que samedi, 14h-17h, on est ensemble. Hein. Entre nous, tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu notre directeur sur antenne. C'est vrai? Est-ce qu'on irait le chercher? Je sais pas. On continue à meubler un petit peu pendant ce temps-là, on va essayer de le choper. Bah, t'essaies de le choper. Ça va pas être facile parce que. Ça va être chaud, je pense. Passer Jean-Pierre à l'antenne, ça va pas être facile. Hein. Est-ce qu'il va réussir? Vas-y. Moi, je me souviens pas l'avoir eu à l'antenne. 1 minute 54. On a 1 minute 54 pour ramener Jean-Pierre à l'antenne. 1 minute 54 pour ramener Jean-Pierre le à challenge. L'antenne. Le challenge. Il vient. Est-ce qu'il est là? Je lui dis qu'il y avait plus rien qui allait. Attends, on va y arriver. Ah, il y avait plus rien qui allait. Bon, tout à l'heure débine, peut-être. Comme d'habitude. Ça va être le challenge de ce soir. Alors, Jean-Pierre, tu veux pas faire un petit coucou? Un petit coucou. Hein? Attends. Alors, on a les jetons. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus entendu sur antenne. Vas-y. Jean-Pierre, les micros ne mordent pas. Ça, je te le promets. Il n'ose pas parler. Viens dire au moins un petit bonsoir. Et tu vas passer dans le monde entier si tu dis bonsoir. Et Jean-Pierre est très balèze en informatique, il va nous expliquer comment fonctionne le peer-to-peer. Viens nous expliquer. Le peer-to-peer. Là on est dans la merde parce qu'entre Jean-Pierre et Capzi, ça va être difficile. Hein. Bon, on enchaîne sur l'archive avec Boris. Juste après un petit titre rétro. Boris. Et on continue notre semaine spéciale et soirée spéciale 25 ans. On continue, c'est parti, allez, c'est avec parti. Boris. La plus grande aventure de la galaxie. Galaxy. to your heart, baby. Spécial anniversaire, les 25 ans, avec en face de moi Hubert et DJ Storm. Eh oui, je l'ai chopé par le callback et je lui ai dit de venir m'accompagner un petit peu parce que j'avais envie de parler un petit peu avec lui à l'antenne. Tu as bien on fait. On a des tas de souvenirs à se raconter. Il y a des racontez tas de tout. On pourrait rester là jusqu'à minuit. Absolument, oui. J'ai juste le temps de finir mon verre de jus d'orange, bien sûr. Très sobre, Storm, comme d'habitude. Allez, raconte-nous une petite anecdote, un petit souvenir de la radio. Une petite anecdote, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui te revient, Storm. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait se raconter. Je me souviens de tes débuts, par exemple. J'étais arrivé avant toi, même si tu fais partie des dinosaures. Je suis arrivé avant toi. C'est vrai, mes débuts ont été des débuts, quoi. Après, voilà. J'ai fait mes valises, je suis parti sur la Belgique ans. Et après, je suis revenu. Voilà. Et on j'ai parle voulu de... revenir à la maison et puis ça fait plaisir d'être là. Et sinon, le prochain mix que tu fais à la radio, c'est prévu pour quand? Parce que demain, je sais qu'il y a des trucs qui sont prévus. Yes. Eh bien, c'est demain, ce vendredi soir, donc 19h-21h, régularité oblige. Et je fais une foutue sacrée rétro de 14 ans d'émission. C'est vrai. Et très franchement, je suis très très ému de la faire. C'est excellent. Et moi, je suis très ému de vous écouter parce que franchement, la dernière fois, je regardais Vince mixer. Franchement, c'était énorme. Les larmes n'étaient pas loin. Franchement, et moi, pour me faire pleurer, il faut y aller. Non, mais je vais prendre mon paquet de mouchoirs parce que je crois que ça va être très très fort. Storm, T'as des petites références de morceaux de ce que tu vas passer demain? T'as déjà des idées? Oui, mais je la réserve pour demain. Parce que franchement, je veux le faire la surprise. Ok, d'accord, très bien. La grosse surprise. Petite surprise sur Galaxy. Bon, Hubert, un petit cadeau? Bah oui, on va jouer, on va faire gagner un kit. Kit Willy. On fait gagner un kit Willy et puis je vais rajouter par-dessus le fameux jeu PC dont on parlait tout à l'heure. Ah, ok. Donc, bah, vous pouvez commencer à appeler. Donc, on joue avec le. Allez, comme il y a du monde aujourd'hui à la radio, c'est pas évident. On va faire 50e appel. 50e appel, ça me va. Ok, ça marche. 03 20 83 57 57. 03 20 83 57 57. Et pour ceux qui appellent de l'étranger, oui. Bah, donc, il y a double 032. Voilà, bah, je laisse faire, sinon ça va être le bordel total. Alors, double 033 03 20 83 57 57. Ça, c'est le numéro du standard. Tu nous appelles maintenant. Tu remportes le kit vinyle avec un petit mélange, une console de jeu. Storm, tu veux ajouter un petit truc? Avec un petit vibro, ma soeur. Je disais la dernière fois. Non, c'est pas Storm qui rajoute des vibros, ma soeur. Mais en tout cas, il y a une manette très, vibrante. Très bonne soirée à tous. C'est vrai. Merci manette, Storm. Il y avait une manette vibrante à faire gagner la dernière fois. Et puis j'ai dit, bah tiens. Avec une manette vibrante, on peut faire plein de choses. Très très bonne initiative. Pas le foutoir qu'il y a sur antenne. J'ai rien dit, maintenant, à chacun libre de penser. Hein, c'est clair. Donc avec un kit comme ça, vaut mieux que ce soit une fille qui remporte et qui nous appelle au standard. Donc 03 83 57 57. On attend ton appel. Le 50e repart gratos avec ce kit vinyle. C'est parti. Unlimited music. Galaxy. Pour le jeu, hein, lancé à l'instant par notre ami Jérémy et puis bien sûr Hubert et Digistorm, hein, pour l'émission Cyclone. Digistorm qui sera là demain en chair et en os pour une interview exclusive avec l'ami Digistorm. Cyclone, 20h30 très précise, excellente soirée à tous et à tous. N'oubliez pas tout à l'heure l'émission Aluminium libre antenne à partir de 23h. Vous pourrez passer bien sûr sur antenne en live, en direct live. On vous fera aussi plein de cadeaux et puis pas mal de surprises. Et d'ici une petite demi-heure, ce sera le mix de DJHS at the Villa avec Johan Fifi, bien sûr. On va remonter très très loin dans les souvenirs. Ce sera d'ici une petite demi-heure. Tout de suite, place au deuxième best-of de Boris. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bonhomme qui s'approche loin. Quand on regarde bien, on voit une ombre avec une petite casquette mauve, un petit pantalon rouge et un petit sac en bandoulière. On dirait que c'est Boris qui revient au pays. Boris revient. À mon avis, c'est pour l'anniversaire de Galaxy. C'est un beau cadeau. Ton retour est un joli cadeau, Boris. Ta présence va nous émerveiller. Pour les 25 ans de Galaxy, Boris revient. Tout le monde lui avait déconseillé de partir à la mer. On part pas à la mer un lundi soir. Et Boris, il s'en fout. Ce soir, il veut faire des pâtés de sable. Quand il était petit. Quand il était petit, il faisait des pâtés de sable. Il les montrait toujours à sa maman. Il disait, regarde. We can fly. posée sur la plage. Une pelle en plastique avec un petit seau. Le seau, c'est pour faire les pâtés. La pelle, c'est pour creuser. Oh, il aime bien. We can fly. Boris le regarde passer. Boris adore le cri du rhinocéros sur la plage. Boris aimerait voler comme lui. Il aimerait atteindre le ciel, voir les nuages de plus près, toucher les étoiles, découvrir d'autres continents, mais Boris y reste cloué au sol. Il voudrait être comme le rhinocéros qui est en train de l'appeler. Il peut pas. Ses chaussures, elles sont trop lourdes. Ses chaussures à Boris, elles sont en bois, elles sont lourdes, dures. Boris, il voudrait voir le ciel de plus près. Boris, des fois, il voudrait être le ciel, être un nuage. Et embêter les gens et se mettre devant le soleil. Non, Boris, tu peux pas. Tu peux pas voler, Boris. Tu peux pas. Vole dans ta tête, c'est déjà ça. Va plus loin que les autres, Boris. Je vous explique la scène. Boris vient d'installer son bureau et sa chaise pour travailler au milieu d'un champ de blé. Ainsi, il peut écrire ses textes. Son imprimante, elle fonctionne grâce au soleil. Il est tout près de la rivière, il aime bien la rivière, il aime bien les poissons, il aime bien aller à la pêche. Boris est un fin pêcheur. Enfin, il préfère travailler, au plein milieu du champ de blé, avec son imprimante, à jet d'encre. Il écrit des beaux papiers. Des fois, il les mange parce qu'il n'aime pas ce qu'il écrit. Boris est en plein milieu du champ de blé, en train d'écrire un poème à sa vieille tante Lulu. Champ de blé, avec son imprimante, sa chaise et sa table pour travailler. Bien sûr, il avait installé la radio. Sa radio, elle va pas. Il trouve que la radio, elle fait un drôle de son. Un truc comme ça, ou des trucs comme ça. Ou alors elle fait ça, elle va d'un côté, elle va de l'autre. C'est plus. Boris, il aime pas. Boris, il va être pas content avec la radio. La radio qui met beaucoup la musique. Ouh, il y a prise de tête pour Boris. Boris, il va scier sa radio. Voilà, n'a pu. Boris qui scie sa radio, le best-of Boris, bien sûr, signé Galaxy et Philippe Bond, bien sûr qu'on aura encore en interview demain soir entre 21h et 23h. Ça, c'est pour la grosse surprise. D'ici quelques minutes, on aura bien sûr encore Hubert, Jérémy au micro, Olivier Cortis, DJHS aussi, hein, qui se prépare et qui fait quelques pompes dans les studios de la radio. Et puis, bien sûr, tout le monde, tous les disques jockeys, animateurs, etc. On est tous ensemble pour fêter l'anniversaire de Galaxy, les 25 ans. Souvenir tout de suite avec le label Dance Opera. Voici System D. Et juste après, on fera une petite intervention au micro. Et puis on vous balancera plein de bonnes choses. à l'instant avec System D, Transfusion, non pas Transfusion. Où est la pochette de mon CD? Ah non, ça c'est pas de System D qui est dans la merde. Et... non mais là c'est le bordel là de. Alors Mr. Retro. C'est ça. C'était le Black Magic Tacon. Eh, encore un cyclone, décidément, cyclone dans tous les coins. Ils se sont multipliés. Ah, ils se multiplient. Bon alors, on va peut-être aussi passer un petit clin d'œil à tous les DJ qui sont en ce moment dans les studios de la radio. Ils sont tous là quasiment. Hein, ils sont pratiquement tous là. Arriverez à tous les citer De tête comme ça, c'est possible. Bon, je vais. J'ai une grille des programmes. La grille des programmes. Ouais, mais bon, je suis pas comme ça. Donc, on va remercier tous ceux qui ont généreusement participé à, aux flyers qui est sorti pour l'événement, justement. Et on en profite à ceux qui n'ont pas encore donné leurs 5 euros. Pour réclamer. Voilà, il y a juste une enveloppe qui est à l'entrée du studio. Couper les oreilles. Un petit panier. Et encore, quand je dis couper les oreilles, je suis bien gentil. Hein, parce qu'on pourrait leur couper le zizi aussi. Hein. Exactement. Ouais. Il faut savoir que Galaxy c'est une équipe et c'est pas vraiment de l'individualisme, donc je crois que, enfin la plupart, attention, je dis les trois quarts ont bien réagi, mais bon il y a quand même certains qui étaient un petit peu réticents, hein. On va pas les citer non plus, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Bon, on leur en veut pas. Non, bah non, c'est pas très grave, de toute façon le prochain Flyers ils seront tous dessus parce qu'on fera une grille des programmes, c'est pas vrai. Mais est-ce que tu peux demander à HS, il dit qu'il est fatigué, qu'il veut pas se faire interviewer, puis là il vient ah come back. Pardon jeune homme, il t'entend pas, il va faire un tour de l'autre côté. Ah Hubert. Est-ce que tu es chaud pour l'émission de Zevilla, moi? Certes. Ça passe bien là. C'est en route là, c'est en route. Là. Ouais, bien. On a ramené les vinyles, plein de vinyles, au moins 40 bagues. Qu'est-ce qu'il raconte? Et sinon. Terrible la chaise. Ça. Non, change pas. Hervé, quand est-ce qu'on apparaît dans ton magazine là? Dans 5 minutes. C'est vrai? Going out. T'as géré avec. Non, going out. D'ailleurs, Francesco nous dit un petit bonjour. Il nous a téléphoné, il pourra pas venir ce soir. Bonsoir Francesco. Donc, retrouver Dans ce cas-là, HS, le magazine qu'il a sorti, c'est... C'est lequel? Hervé? Clubber. Et dans la prochaine édition, on est dedans, hein, c'est ça? Up and Down, c'est ça? Non. Ok, merci. Il y avait Clubber Up and Down sur M6 à une époque. Bien. Ça vous dit rien? Non. Non, ça dit rien du tout. Ah, bah, moi, ça me dit quelque chose de loin parce que je regardais pas. Ouais. Il y avait un morceau qui était sorti qui s'appelait Up and Down. C'était le générique d'Olivier Gardis. Et on va l'écouter samedi. Exactement. Ça. On l'entendra pour son classement samedi entre 14 et 17. Voilà. Hervé, en pleine forme, on va te laisser te reprendre tes émotions. Et puis, vous avez connu quand même c'était le manège, tournée manège. Hein, bien sûr qu'on a connu. J'ai même connu le manège enchanté. Je sais pas si tu connais. Si, avec Pollux. Excellent. Et Margotte. Ah, bon. Bah, tu les as pas oublié. Hein. Non, ils ont bercé ma jeunesse hein, quand même. Allez, tout de suite, justement, une petite parodie. C'était signé à l'époque par Gaudier, Philippe Dont et toute la clique. C'est tout de suite. Nickel. Alors voici un nouveau venu dans l'émission Parodie sur Galaxy. Il s'appelle Charlie Oleg. Qui ne connaît pas Charlie Oleg? Bonsoir Charlie, ça va Charlie? Ouais, ça va. Attention, allez, Charlie, calmez-vous. Nous allons entendre votre tube chaque mois dans Parodie. Ça cartonne, ouais. Charlie, taisez-vous s'il vous plaît. Chaque mois, nous allons entendre un tube à vous dans l'émission Parodie. Cette semaine, vous avez décidé de vous attaquer à T99. Ouais, c'est ça, on s'amuse. Ta gueule, Charlie. Voici tout de suite T99 par Charlie Oleg. En avant la musique. Nous avons réussi à l'interviewer lors de son dernier enregistrement pour l'émission Tournée Manège. Son état de santé était de plus en plus inquiétant, voire même critique. Il a déclaré « Allez, j'ai dit tout ça. Il n'y a que la camisole de force qui peut l'empêcher de jouer. Mais désormais, sachez qu'il sera succédé par son fils dans l'émission en sacrée soirée. Ce sera la génération Oleg. Quand c'est pas in, c'est pas Rudy. We'll be right back. Avec un instant Hyper Pearl, c'était extrait de la compilation Welcome to the Club. D'ailleurs, un gros clin d'œil tout de suite à l'équipe de Dick Records avec notre ami DJ FM et puis Michael H qui sont dans les studios de la radio. Michael H que vous retrouvez bien sûr tous les dimanches entre 14h et 16h pour l'émission Trans et Progressive. Michael H, tu veux dire peut-être un petit mot près du micro? Il est où Michael H? Si on peut aller me chercher, ce serait vraiment sympa. Même également DJ FM hein, qui a une culture musicale assez incroyable. Et là en face de moi, il y a deux micros qui attendent tout simplement Jérémy et Hubert qui sont dans les couloirs de la radio. Donc dans ces cas-là, on meuble. Donc on attend un petit peu, histoire qu'il se bouge un petit peu le popotin. Et oui, au lieu de filmer quand même, il faut parler aussi un petit peu dans le micro, car il y a pas mal de choses qui vont arriver d'ici quelques minutes. On a un gros souvenir, sélection en plus de DJHS, qu'on aura bien sûr le plaisir d'écouter d'ici quelques secondes. Et puis à partir de 21h, toujours un petit cyclone dans un coin. Ça c'est demain, le cyclone. Hein, rester sérieux, c'est un professionnalisme. Ah ouais. Il il faut garder son sang-froid. Donc d'ici 10 minutes, on aura l'émission At The Villa avec notre ami DJHS. Ça, c'est pour tout à l'heure, c'est-à-dire d'ici 10 petites minutes. Et nous avons justement Monsieur HS en chair et en os au studio de Galaxy. Ça va bien? Il a enfin cher. Venu. J'ai pris du poids d'ailleurs. Ouais. T'as pris quoi? Du poids. Non. Et c'est depuis que t'es parti de Galaxy? J'avais 844 kilos. J'avais pas remarqué. Allez. Ah non. Non. J'avais rien remarqué du tout. Hein. Ouais. Et sinon HS, au lieu de. Ça va? Super, nickel, et toi? Et t'es prêt pour 2 heures de mix? Pas de problème, c'est parti là, c'est en route là, on a ramené les flycases. On peut peut-être aussi faire un petit historique de toi. Il y a une affiche qui me gêne là, hein. Je vais l'enlever, excuse-moi. Enlève ça, ouais, parce que là je ne te vois plus. J'aime tes yeux bleus. Ouais, moi aussi. T'es arrivé en quelle année en fait à Galaxy, Hervé? En 45. 1945? Voilà. J'avais un casque à pointe encore à l'époque. En 45, la radio fêtait ses 5 ans déjà, hein, faut pas oublier. Non, en 91, je pense, 92. Ouais, c'est au début des années 91, 92, voilà. C'est au début des années 90. Est-ce voilà. Que tu as participé un petit peu au canular, à Giclée de la Nouille? Bien sûr que oui, les lundis soirs, les soirées spéciales. T'as vu naître les bandes son et leur délire. Voilà. Enfin bref. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de la radio Galaxy? Il doit en avoir plusieurs. Je pense qu'on va immobiliser l'antenne jusqu'à minuit. Quoi. Ouais. Moi, je dirais que les meilleurs souvenirs, on les a vécus à l'extérieur de la radio. Voilà. À Moncron, par exemple, avec Fernand qu'on a eu tantôt à la radio on ici. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément un exemple. Hein. Voilà. Non, mais non. On peut rentrer un peu dans les détails. Bon, après. On s'est marré, au lieu de s'offrir un verre, on s'offrait des plateaux, nous. On s'offrait des plateaux de bière. Et je peux vous dire qu'au bout de 2 heures, on était déjà bien, quoi. Hein. Voilà. Bien, oui. Des plateaux de Saint-Amand, Evian, sans oui, bien sûr. Un peu comme ce soir aussi. Voilà. Par exemple. Bon, c'est bien. Voilà. C'est sympa. On était des fêtards, et comme je disais pour la relève qu'on a maintenant, c'est des gens un peu plus sérieux qu'on l'a été à l'époque. Oui, voilà. Et justement, bon. Je leur dis. Pas d'alcool d'ailleurs ici, quand ils arrivent dans les locaux, ils souffrent dans le ballon. Il y a quelques fûts qui traînent dans tous les coins, hein, quand même. On peut pas faire de pub, malheureusement, sinon j'aurais bien cité quelques marques. Mais bon. Non, bah non. Sinon. Vous nous appelez au 0820-06-2000. Apparemment, HS, il nous écoute tous les soirs. Hein. Fidèle auditeur chaud, de la radio. Bah ouais, bah attends, Hervé. C'est pas le bon numéro de téléphone, celui-là, c'est sûr. Mais non, mais tu fais comme moi, tu te prends pas la tête. 0870-245-603. 0320-73-0301. Non, ça raconte n'importe comme aurait dit Olivier, ça, c'était le, jours, ça, c'était le numéro de téléphone privé d'HS. Non. C'est les bonnes ondes. Moi, j'en veux un petit peu Manuque parce qu'il a tout raconté nos secrets à notre directeur. J'ai pas tout dit. La brosse à chiottes dans l'émetteur et tout, ça se faisait pas, je t'avais dit de pas le dire. On coupe la stéréo, on va fond de câble jusqu'à l'ancienne. Il poussait l'émetteur à fond. Quand c'était son émission, il mettait l'émetteur en mono pour aller plus loin. Donc Valenciennes, Lens-Béthune, Carvin, Le Capté, Dunkerque, presque. Vous savez que quand vous coupez la stéréo, vous allez beaucoup plus loin parce que le signal est mono. Qu'on se le dise. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. La radio locale qui nous écoute à l'époque. Hein. C'est vrai que c'est Hervé qui a inventé un peu le système de couper la stéréo pour aller beaucoup plus loin. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et c'est parti. Boum, ça explose. C'est Mel Gibson, notre DJ. Alors Jean-Pierre. Jean-Pierre, le technicien. Le MacGyver des émetteurs. Mais oui, il se débrouille quand même très très bien. Hein. Ah, il arrive à faire des choses. Bon, Hervé, on passe une sélection là qui est juste derrière. Comment ça s'appelle ça? Tu t'en souviens? The Daydream par le groupe. Pardon, le titre c'est. Non, je me rappelle la pochette. Ah, le groupe Daydream, remixé par Frank De Wolf. Exactement. Quelle année ça? Le groupe LDC. 93. 93. 93, s'il te plaît. Souvenir ce Galaxy. All I ever dreamed of. All I ever wanted. All I ever need. Dream. Galaxy. The Daydream. Make it. We'll be right back. souvenir instant avec Daydream, sélection par Monsieur DJ HS en personne que nous avons dans les studios de la radio. Ça va bien, Hervé ? Super, nickel. Merci beaucoup, hein. Merci pour l'accueil. Et encore une fois, Happy Birthday Galaxy. Tu sais très bien que t'es chez toi ici. Voilà. Exactement. J'ai ma chambre derrière ici, ma chambre à coucher. Ah ouais, tu peux dormir ici, y a pas de problème. Comme ça, tu pourras monter la garde pendant ce temps-là. Voilà. Au moins, on va gagner des sous au niveau de l'alarme. Ouais. Comme ça, on prend plus d'alarme. Même des tranches ici, qui font un petit peu de temps en temps, remplacer des platines. Quand il y a un blème technique, je suis là. Voilà. On met les murs en peinture et puis tu fais. Et puis quand t'as la pêche, bah, tu fais du mix. Allez, hop. Et puis voilà. T'as faim, tu nous appelles. On coupe ta bande. On coupe ton émission qui est Vostrack. Et puis tu peux la couper. Je m'en bats les youk. Ah, c'est Vostrack, hein, Hubert, c'est Vostrack, Hubert. Bon, sinon, quelle est un petit peu ton actualité, Hervé, histoire d'en parler un petit peu quand même aujourd'hui. T'as un petit peu des bookings un peu partout encore. Ouais, ben écoute, tout se passe bien, tout va bien. La production, la vie est belle. Production, parce qu'il y a des productions, de des productions un peu techno club, jump, poète, comme on dirait, hein, poète. Des projets compil pour la France, bah, toujours le business, quoi. Voilà, c'est comme ça, quoi. J'ai racheté un bar à néon sur Courtrai. Ouais. Quand est-ce que tu nous invites? Viens seul aussi, par contre, viens seul. Sinon, ouais, madame, sois contente. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Hein? Bon, c'est bon. Allez, tout de suite, l'émission At The Villa qui avait cartonné, ça avait duré combien de temps, ça Je pense que l'émission At The Villa avait quand même duré 5-6 ans. Ouais. L'émission a commencé en 92, donc, en 92, avec Fifi. Fifi, Johan. Et après avec Johan. D'accord. Donc, ils étaient présents ici en direct live tous les jeudis soirs entre 21h et 23h durant 5-6 ans. Alors, justement, tu nous as retrouvé dans tes archives une émission de l'époque avec voilà, une vieille AT qui traînait à la poussière, qu'on a dépoussiéré, qu'on a remis sur CDR, qui a un nouveau support, et puis voilà, c'est parti pour. Voilà, inquiétez pas pour le son, c'est le top. Hein. C'est voilà, le top. Un bon compresseur derrière, et puis c'est parti quoi. C'est le meilleur. C'est comme du live. On va le mettre en route là, il est sur flat en ce moment.